Le président national du Parti progressiste du peuple du Nigeria, Damien Ogbonna, co-président du comité préparatoire international pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, a offert un présent au général Kim Jong-il. Il l'a transmis le 7 décembre à l'ambassadeur coréen au Nigeria, Chung Yong-chul.